Chapitre 23e. Chair et la mémoire de notre existence à deux. Mary et Edward Arundel virent l'affreuse lumière dans le ciel et entendirent les voix des gens criant dans la rue, et s'annonçant les uns aux autres que Marchmont Towers était en feu. La jeune maîtresse de la maison en flammes s'inquiétait fort peu de sa propriété. Elle ne cessait de répéter à chaque instant « Edward, j'espère qu'il n'y a personne dans la maison. Dieu veuille qu'il n'y ait personne dans la maison. » Et quand l'incendie fut dans toute sa force et que tout le ciel de Lincolnshire sembla un feu, la femme d'Edward Arundel se jeta à genoux et pria tout haut pour les malheureuses créatures qui pouvaient être en péril. Oh, si nous osions penser que la prière de cette innocente jeune fille fût entendue devant le trône d'un juge terrible, plaidant pour l'âme d'un méchant. Le lendemain matin de bonne heure, Mrs. Arundel vint de Lawford Grange avec sa soubrette de confiance et emmena sa belle-fille et le baby dans le Devonshire. Avant de quitter Camberling, Mary sut comme tout le monde qu'on n'avait pas trouvé de cadavre parmi les ruines de Marchmont, et elle crut que personne n'avait péri. Aussi se rendit-elle à Dangerfield plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été depuis les beaux jours de sa lune de miel, pour y attendre l'arrivée d'Edward Arundel, qui restait afin de voir Richard Paulette et M. Gornby, et s'assurer du témoignage de M. Weston et de Betsy Morrell, dans le but de faire constater l'identité du fils de Mary qui n'avait été ni enregistré ni baptisé. Je n'ai pas besoin de m'apesantir sur cette question d'identité, d'enregistrement et de baptême que Master Edward Arundel eut à subir dans le courant du mois suivant. Il vaut mieux que je laisse de côté ces détails ennuyeux pour en arriver tout de suite à cet heureux temps qu'Edward Arundel et sa jeune femme passèrent sous les chaînes de Dangerfield, à cette seconde lune de miel, tandis qu'ils n'avaient pas encore de maison, car une jolie habitation ressemblant à une villa était en train de se bâtir sur le domaine de Marchmont, loin du bois humide et de la sombre rivière, dans un charmant petit recoin champêtre qui était une belle oasis au milieu du paysage désolé du Lincolnshire. Il est à peine nécessaire de dire que le personnage important de cette époque fut le baby. On comprendra naturellement que cet enfant était un baby sans pareil. Il n'avait jamais existé de baby comme lui, et il était plus que probable qu'il n'en existerait jamais. Dans tous ses attributs d'enfant, il était d'un an en avance sur le reste de sa race. La grandeur future l'avait marqué au front de son sceau. Il serait un Clive ou un Wellington, à moins qu'il n'eût du goût pour le barreau et l'hermine auquel il serait un peu plus érudit que Lyndhurst et légèrement plus éloquent que Brougham. Tout ceci était clair comme le jour, même pour les gens les moins perspicaces, rien que la manière dont l'enfant se tenait dans les bras de sa nourrice, ou s'étouffait avec sa bouillie, ou souriait à son jeune père, ou accomplissait les actes les plus simples de l'enfance. Je crois que M. Saint eut pris plaisir à peindre une de ces scènes d'été à Dangerfield. Le père orgueilleux de son fils, la pâle jeune mère, la belle grand-mère respectable et comme centre mystique de ce cercle magique, le baby à cheveux blonds donnant la main au soldat et essayant d'imiter les grandes enjambées de son père. À mon idée, c'est un grand malheur que les enfants ne soient pas toujours enfants, que le joli baby peint par Sand, tout rose, tout blond, avec ses yeux bleus, devienne jamais un grand garçon angulaire et pré-raphaélite, prêtant fort peu à la peinture. Mais ni Edward, ni Mary, ni surtout Mrs. Arundel n'étaient de cet avis. Il leur tardait autant de voir l'enfant grandir et figurer dans la grande course de la vie qu'il tarde à un magnat du turf qui spécule de voir le poulain qu'il a acheté à un prix fabuleux devenir un cheval de 3 ans renommé, comme coureur et vainqueur à toutes les courses. Avant que l'enfant en fût à ses grosses dents, Mrs. Arundel-mère avait décidé que Eton valait mieux que Harrow et calculait de quel côté était l'avantage entre le classique Oxford ou le mathématique Cambridge, tandis qu'Edward ne pouvait voir le baby se rouler sur l'herbe en ruban bleu et en robe flottant à la brise, sans songer à l'apparition future de son fils portant l'uniforme de son régiment à lui et brillant parmi les courtisans au petit lever de Saint James. Que de châteaux en Espagne on construisit en cet heureux temps avec le baby pour première pierre de fondation, le baby. Mais cet article défini exprime à lui seul une infinité d'amour insensé et d'admiration. Personne ne dit le père, le mari, la mère, c'est mon père ou mon mari suivant la circonstance. Mais chaque baby, de St. Gilles à Belgrave, de Tibernia à Saint-Luke, est le baby. Le règne de l'enfant est court, mais sa royauté est suprême, et personne n'ose trouver à redire à son gouvernement despotique. Edward Arundel adorait presque le petit enfant dont il avait entendu le faible cri dans le pavillon par cette soirée d'octobre et sans le reconnaître. Il ne se lassait jamais de se reprocher ce manque d'instinct. Cette voix de baby aurait dû faire éprouver un étrange tressaillement au jeune père. Ce temps passé à Dangerfield fut la plus heureuse période de l'existence de Mary. Tous ses chagrins avaient fui. On ne lui avait pas parlé des soupçons conçus au sujet du sort de Paul Marchmont. On lui dit seulement que son ennemi avait disparu et que personne ne savait où il était allé. Mary s'informa une fois, une seule, de sa belle-mère, et on lui dit qu'Olivia était à la cure de Swampington, où elle vivait avec son père et qu'on la croyait folle. George Weston avait émigré en Australie avec sa femme, sa belle-mère et sa belle-sœur. Aucune poursuite judiciaire n'avait été faite. La disparition du principal coupable l'avait rendu inutile. Ce fut là tout ce que Mary apprit jamais sur ses persécuteurs. Elle ne désirait pas entendre parler d'eux. Elle leur avait pardonné depuis longtemps. Je crois qu'au fond de son cœur innocent, elle leur avait pardonné du moment qu'elle s'était laissée aller dans les bras de son mari chez Hester, à Camberling, et qu'elle avait senti se serrer autour d'elle les bras forts qui la protégeraient à l'avenir contre tout mal. Elle était très heureuse, et sa nature, toujours douce, sembla être devenue sublime à la suite des souffrances qu'elle avait endurées. Elle était déjà la sœur des anges. Hélas, ce fut là la grande douleur d'Edward. Cette jeune femme, si précieuse pour lui dans sa beauté fatiguée, il la perdait lentement, même alors qu'ils étaient très heureux ensemble. Elle se séparait de lui-même, alors qu'ils étaient le plus unis. Elle était séparée de lui par la tristesse indomptable qu'il ressentait en lui et qui lui prophétisait un grand malheur à venir. Parfois, lorsque Mary voyait son mari la regarder avec une tendresse douloureuse, un amour presque désespéré dans ses yeux, elle se jetait dans ses bras et lui disait « Il faut vous souvenir combien j'étais heureuse, Edward. Oh, mon bien-aimé, promettez-moi de vous rappeler combien j'étais heureuse. » Lorsque les premières brises froides de l'automne soufflèrent à travers les chênes de Dangerfield, Edward Arundel emmena sa femme dans le midi avec sa mère et l'inévitable baby à sa suite. Ils se rendirent à Nice et ils furent très tranquilles, très heureux dans cette jolie ville du midi, avec des montagnes couvertes de neige derrière eux et devant eux la Méditerranée aux flots bleus. Dans l'intervalle, la villa s'achevait dans le Lincolnshire. L'intendant d'Edward lui envoya ses plans et ses esquisses pour avoir l'approbation de Mrs. Arundel, et chaque soir, on causait de l'arrangement des chambres et de la disposition du jardin. Mary était toujours bien aise de voir les plans et les dessins, et de discuter les progrès des travaux avec son mari. Elle parlait de la salle de billard, du joli petit fumoir et des chambres destinées au baby, qui devait se trouver au midi et avoir tous les avantages voulus pour le développement de cette rare et merveilleuse fleur. Et elle esquissait les appartements confortables qu'occuperait la chère grand-maman, qui passerait évidemment la majeure partie de son temps aux sycomores. La nouvelle maison avait été baptisée les sycomores. Mais Edward ne put jamais décider sa femme à causer d'un certain boudoir, s'ouvrant sur une mignonne serre chaude, qu'il avait lui-même ajoutée au premier plan de l'architecte. Il ne put jamais amener Marie à parler de cette chambre particulière. Et un jour qu'il la questionna sur la couleur des tentures, elle lui dit très gentiment « Je préférais que vous ne me parliez pas de cette chambre, mon cher Edward. Pourquoi, cher ami ?»« Parce que cela vous chagrinera plus tard, Marie, ma chérie. Edward, vous savez, il faut que vous sachiez, bien cher, que je ne verrai jamais cet endroit. » Mais son mari la prit dans ses bras et déclara que ce n'était là qu'une fantaisie de malade, qu'elle allait de mieux en mieux, et qu'elle vivrait pour voir ses petits-enfants jouant sous les arbres qui abritaient le côté nord de la nouvelle villa. Edward le dit à sa femme, et il croyait sincèrement ce qu'il disait. Il ne pouvait croire qu'il allait perdre cette jeune femme qui lui avait été rendue après tant d'épreuves. Mary ne le contredit pas en ce moment, mais dans la soirée, alors qu'il était assis dans la chambre de sa femme, lisant à la lueur de la lampe, après qu'elle s'était mise au lit, Mary se couchait de bonne heure par ordre des docteurs et suivait un régime. Elle appela son mari auprès d'elle. « Je veux vous parler, cher. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. » Le jeune homme s'agenouilla à côté du lit de sa femme. « Qu'y a-t-il, cher ami ? » demanda-t-il. « Vous savez ce que nous avons dit aujourd'hui, Edward ? » ?»« Quoi donc, cher ? Nous disons tant de choses chaque jour. Nous sommes si heureux ensemble et nous avons tant de sujets de conversation. Mais vous vous souvenez, Edward? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos des sycomores? Que je ne verrai jamais. Ne m'interrompez pas, cher aimé, dit Mary d'un ton de reproche, car Edward colla ses lèvres aux siennes pour arrêter le courant de ses tristes paroles. Ne m'arrêtez pas, cher, car il faut que je vous parle. Je veux que vous sachiez que cela doit arriver, Edward. Je veux que vous vous rappeliez combien j'étais heureuse et combien je suis disposée à me séparer de vous, puisque c'est la volonté de Dieu que nous soyons séparés. Et puis, j'ai encore quelque chose à dire, Edward. Grand-maman m'a tout raconté au sujet de Belinda. Je veux que vous me promettiez que Belinda sera heureuse plus tard, car elle a tant souffert, la pauvre enfant. Vous l'aimerez et elle aimera le baby. Mais vous ne l'aimerez pas précisément de la même manière que vous m'avez aimée, n'est-ce pas, chère? Parce que vous ne l'avez jamais connue quand elle était tout enfant et très pauvre. Elle n'a jamais été orpheline et seule au monde, comme moi. Vous n'avez jamais été le monde entier pour elle. Les sycomores furent finis vers le milieu de l'été suivant, mais personne ne prit possession de la maison nouvellement bâtie. Les alertes tapissiers n'y accoururent pas, la règle en main, pour prendre au crayon sur leur portefeuille la mesure des fenêtres et des planchers. Aucune voiture, chargée de beaux meubles, ne dérangea le sable bien nivelé de la grande allée carrossière devant la porte d'entrée principale. La seule personne qui apparut à la maison nouvellement bâtie fut une vieille femme de Stanfield, au nez bourré de tabac. Elle apporta un pliant, un coucou hollandais, quelques autres meubles, et campa dans un coin de la meilleure chambre à coucher. Edward Arundel père était dans l'Inde, combattant sous nos pieds à autre âme, et Edward Arundel fils était à Langerfield sous la garde de sa grand-mère. Peut-être que le plus beau monument dans l'un des cimetières anglais de Nice est une grande croix blanche en marbre au pied de laquelle est agenouillée une statue. Les étrangers s'arrêtent devant elle pour lire une inscription à la mémoire de Marie, la femme bien-aimée d'Edward Dangerfield Arundel.